visa, pap jom konen, i kote ou apè tombe. Dan la visa ou pap jom konen, sa ki rayi ou, sa ki remè ou. Si on te connaît toujours derrière, si nous pas présents mais confiance, nous je n'en pas ta regret. Dans la vie ça, on pas bien promet. Côté ou après tombé. Dans la vie sans pape, j'en connais. Ça qui raille ou ça qui remet ou. À nous prier, à nous chanter. À nous malédier pour ça qui fait nous mal. Proverbe l'a dit. Si on te connaît toujours derrière. Si nous parfaits sans mi confiance. Nous je n'en pas ta regret. la rue Port-au-Prince, ça va filer là-bas. Dans la rue Pétionville, ça va filer là-bas. Martinique, Guadeloupe, Guyane française, dans Paris, tout partout, ça va filer là-bas.